confiance en l'homme. La faute à ce qu'il déforme, mais il n'a pas toujours tort. Je persiste donc dans mon effort à pas voir tout noir, et peut-être un jour à croire qu'il y aura quelqu'un apprécié comme il vient. Peut-être que ce sera une femme, mais pas de celles qui se font d'âme. J'aurais bien trop peur que ce pion de mon malheur. Pourquoi je n'y crois pas en toi et moi? Pourquoi j'y crois pas? Par des sentiments, c'est un peu ne plus être transparent aux yeux de l'autre, en plus de soi. Et encore faut-il avoir la foi. Tant d'années de déception, tant d'années de contradiction. Comment faire pour encore quoi? Que tout le monde n'est peut-être pas con. Se dire qu'une vie est importante, un peu la sienne, mais pas seulement. Se dire qu'une idée est intéressante, même celle de notre, pas évident. Ça fait de la peine d'être comme ça, sans cette chanson qui s'en souciera. De toi à moi, j'ai besoin de toi.